va même pas laisser de mots. Juste un nombre. 26, la dernière lettre de l'alphabet. Le 7. L'usine revient et fait son entrée. Le 7. La dernière lettre, je prépare un cercueil. D'un 7 frappé. Dernière lettre de l'alphabet. Il disait qu'il avait vaincu ce monde. En 26e lettre. Qu'il l'avait battu. Et que je serais sauvé. Tu n'en as pas le pouvoir. La secte va tout baiser, tu connais. Je te le promets. La mort c'est le sommeil, c'est jamais fini pour être honnête. Derrière un sommet, un autre sommet, ce que je commets. Son territoire français n'est qu'une nécessité. C'est vrai, j'ai le devoir d'exprimer afin que ces putes cessent d'exister. L'usine, visionnaire au ventre vide. Je travaille sur mon temps de vie, se battre, oui ça rend libre. Les cadavres qui s'empilent, je suis même pas millionnaire en centimes. La 26e lettre de l'alphabet vient terminer toute la terre. L'usine, le Z, la secte, il est temps que ça paye. Je nettoie le sang de la veille, maman. C'est le nombre. À force, je le vois partout. Frérot, je rentre du boulot. Je rappe à me dessécher le goulot. Dernière lettre de l'alphabet, que des teutards dans la cabesse. Ils nous aimeront jamais comme Kaben Webe. Je leur crache à la gueule, je me rabaisse pas. Face à la feuille, tu rires la Tesla. Mi ferme les portes et les fenêtres. Alt F4, scorter les traites jusqu'à l'estrade. Je les gagne et je pars. J'ai du vécu comme un terrain de la canne. Ils perdent un peu la face, ils mentent comme des élus. J'aime pas le champ, verse le henni. Je campe en terrain ennemi. Je rampe pas à travers les mines, usine, zone Z. Cette musique m'obsède. Ce nombre m'a suivi de foyer en foyer en foyer. Dirige mon existence. Treikaki, je fume le paki, flash du paki. Ici le Z, Akatsuki, musique, une drogue. Suis un junkie, y'a pas de funky. La misère, c'est le fond de la classe. Je m'en bats les coups de faire du rap à la basse. Je galère un peu donc je frappe la basse. Je perds la raison, tu peux croiser la masse. Y'a pas plus beau que le chien de la casse. Faire le million, c'est un bête de projet. Je veux plus entendre jacasser ses bécasses. Nique la banquière quand ses bébés rejet. Des yeux dans le dos, j'effectue mon trajet. J'allais voler, revendre des sachets. C'est pas le bonheur, mais la mort qui s'achète. J'aime pas les têtes aussi fort que les vieilles. C'est ce nombre. Ce putain de nombre. Voici les disciples du temple sur les petits du maire. Sentenza, quand la faucheuse s'en va, c'est moi qui reste là. Je ne perds pas. J'enterre le papier, je me sers un verre après dans tes artères. J'insère l'acier, me désaltère de lettres taillées. Le maître joaillier venu peaufiner son art, profané par des fleurs fanées pour fumer ce fumier de connard. La musique qu'ils font me fait mal à la tête. La musique que je fais te fait mal à la schneck. Il ne vaut mieux pas qu'ils parlent à la bête. Mon premier album est produit par la barrette. Après les litros, c'est peut-être mieux qu'on arrête. Car la prison a rendu quelques frères pas nets. L'usine avec un Z, voici l'as de la gâchette. Cet album aurait dû être enregistré sur cassette. Retiens bien.